chaîneuse, explique-moi un truc là. Un truc là, il me prend la tête là. À où tout le temps? Rap authentique, rap underground, ceci, cela. Mais jamais ça marchait comme un. Jamais. Déjà, faut que je change un coup là. Ou de caractère là, mets ça de côté un coup. Il marche avec Banga, il fait le son sérieux. Banga, il sort de CD, tout ça. Allez, change un coup chez nos pense au sous. Je suis pas de ceux qui aiment ses sus, c'est sûr. Tu as des tics. Et puis même, si j'ai pas de sous, c'est pas dans mes gènes. Plutôt fumer Marie-Jeanne, jour après jour, sans faire parjure et pour toujours. Question d'éthique, j'ai un sale tic. Et si sur beat but les sales types, c'est juste une question d'éthique. Et si je parle mal au man, qu'il soit con ou pas mélomane, c'est juste une question d'éthique. Et quand je m'en bats, des coups bas, des tabacs qui méritent des coups de tabac, c'est pas éthique. Et si une chienne cherche ma perche, m'approche en Porsche, l'accroche. La bête comme une bête, seule ou en pote. Et puis la tèche comme un wesh, le cul dans la neige. Ça lui apprendra cela, wesh, un adèche. Question d'éthique, je vois des MC étranges en strange. Qu'ont plus d'éthique, c'est pathétique. En plus, ils sont un paquet de types. Beau et bien ficelé comme un paquet de types. Mais moi, je suis du genre à me friter avec les gens rats. Surtout pour une histoire de genre à. Question d'éthique, quoi. Et si je te tends pas la main, sois pas vénère, c'est que j'étais pas dans l'âme et que je tape pas dans la question merde. D'éthique, et si tu me connais, viens un connard qui sait à quel point je peux bien te cogner. Juste par éthique.